blessing this has been. Quelle bénédiction ça a été. And I spoke with you a little bit on what the Lord is saying at this hour in the church. J'ai parlé un peu avec vous de ce que le Seigneur dit à cette heure dans l'église. The Lord is calling the church to return to purity. Le Seigneur appelle l'église à revenir à la pureté. Why the church to return to purity? Il veut que l'église retourne à la pureté. Because the church is still the instrument of God. Parce que l'église est toujours l'instrument de Dieu. The church is still the vessel that the Lord used to bring revival to the nations. C'est toujours le moyen que Dieu utilise pour amener le réveil aux nations. And so, at this very critical hour in the history of the earth. Et donc à cette heure critique de l'histoire de l'humanité. Critical hour in the history of the church. Heure critique dans l'histoire de l'église. The Lord is moving the church to a different plane. Le Seigneur amène l'église à un nouveau niveau. That the church may go out and do the exploits of this hour. Afin que l'église puisse sortir et faire les exploits de l'heure. We know that at this hour the Bible prophesied about the church. Nous savons qu'à cette heure la Bible a prophétisé sur l'église. And the Bible said that the church would do an end revival. Et la Bible dit que l'église aurait un réveil final à la fin des temps. And revival essentially means people returning to the Lord en masse. Et un réveil c'est un retour en masse du peuple vers Dieu. Revival means the Petra's hearts of the people, they had Petra's wrong. Le réveil c'est que le cœur de Pierre des gens soit changé. Will become soft, soit assoupli. For the word to pierce through the heart. Afin que la parole puisse percer dans leur cœur. That they may become susceptible to the word. Qu'ils puissent être réceptifs à la parole. And succumb to the word. Et qu'ils puissent succomber à cette parole. And hence bow down to Jesus. Et se prosterner devant Jésus. So this is a very critical hour, precious people. Donc c'est un moment très important. But we see very clearly that when Jesus left to go on high, et nous voyons que lorsque Jésus est parti vers son Père, he promised that he would come back for the church. Il a promis qu'il reviendrait pour son Église. And when he said he would come back for the church, et lorsqu'il a dit qu'il reviendrait pour son Église, he also gave the definition, the prescription of the church. Il a donné aussi une définition, une prescription à l'Église. And he said he would come back for a glorious bride. Et il a dit qu'il reviendrait pour une épouse glorieuse. A mature bride. Une épouse mature. Meaning full stature with Christ. En pleine stature avec Christ. And he also promised that he would come for a spotless church. Et il a dit qu'il viendrait aussi pour une église sans tache. These things are in the Bible, they're very clearly defined. Ces choses sont très très clairement définies dans la Bible. And we really know that this book of prophecy. Et nous savons vraiment que ce livre de prophétie must be fulfilled to the letter. Va être accompli à la lettre près. And so when he said a church without stain, lorsqu'il parle d'une église sans tache, a church without wrinkle, sans ride, without spot, sans tache. And so this is the hour that the Lord spoke about. C'est l'heure à laquelle le Seigneur faisait référence. The hour when it would be critical to perfection the bride of Christ. L'heure à laquelle sera rendu parfaite l'épouse de Christ. The Bible says there would be a time for the perfectioning of the saints. La Bible parle d'un temps de perfectionnement des saints. The perfectioning of the church. Le perfectionnement de l'Église. This is the time, precious people. C'est le moment maintenant. Well, I shared on the vision of the wedding rings. Lorsque je vous ai partagé cette vision des anneaux du mariage. And that is why the Lord sent me here. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a amené ici. To love you in your precious country. Pour vous aimer et votre pays aussi. To ask you to put in place some modalities for the wedding of the Lamb. Vous demander de mettre en place les modalités du futur mariage de l'époux de l'agneau. And there is no greater modality than to have a repentant heart. Il n'y a pas de plus grande préparation que d'avoir un cœur repentant. The Bible says the contrite and repentant heart. La Bible parle d'un cœur contrit et repentant. The heart that is sensitive to sin. Un cœur qui est réceptif au péché, qui discerne le péché. That when you see sin, you repent, you fear it. Qui lorsqu'il voit le péché, automatiquement il se repent. Well, when the wedding rings are ready. Quand les anneaux du mariage sont prêts. That means the preparations for that wedding are now ready. Ça veut dire qu'en fait, le mariage est là, tout est prêt. In fact, it means that wedding must now take place. Ça veut dire que le mariage va se passer maintenant. And so that is the message I've brought to you, precious people. C'est ce que je vous ai dit donc. That over the ages you have heard the Messiah is coming. The Messiah is coming. The Messiah is coming. Que durant tous les âges, vous avez entendu à répétition le Messie vient, le Messie vient, le Messie vient. The Messiah is coming. The Messiah is coming. The Messiah is coming. Le Messie arrive. Il arrive. And so this is now the time, the dawning of a new dispensation. Et c'est maintenant le temps est venu d'une nouvelle dispensation. And I said very clearly that even as the Bible celebrates the wedding of the Lamb of God, c'est à la même mesure que la Bible célèbre le mariage de l'agneau. In the book of Revelation chapter 19, verses 6 to verse 9. Dans le livre de l'Apocalypse 19, versets 6 à 9. You see the definition of the contemporary of the wedding rings. Vous voyez donc la définition de l'aspect imminent des anneaux de mariage. That when there is a wedding, there will always be wedding rings and a wedding gown. Que lorsqu'il y a un mariage de prévu, il y a automatiquement des anneaux et une robe de mariage. And the wedding gown, if I remember too well, in Switzerland. Et si je me souviens bien, une robe de mariage en Suisse. They don't get it just from anywhere. Ils la trouvent pas n'importe où. They look for a specialist, the one that does them well, that fits well, and his gowns are brilliant and nice and befit the occasion. Ils vont aller voir un tailleur spécialisé pour trouver une robe parfaitement ajustée qui serve vraiment l'occasion spéciale. And also, they try it severally before the day. Et ils en essayent plusieurs et ils font des répétitions avant le jour. I have come to ask you to try the gown severally before the day. Et je vous demande donc d'essayer ces robes plusieurs fois avant le jour. But we know that Revelation chapter 19, verses 6 to verse 9. Nous savons que dans Apocalypse 19, versets 6 à 9. In fact, says that it is the righteousness of the church. Il est dit que c'est la justice et la droiture de l'Église. That denotes the finest linen, bright and clean, in the Bible. Qui fait que ce lin est clair et propre dans la Bible. Down further, verse 8. Fine linen, bright and clean, is righteousness. Et propre, c'est la linen of justice. So the finest linen that we need to befit the wedding of the Messiah. Donc le fin lin qui va servir, qui va correspondre au Messie. Is this righteousness here? C'est la justice. So in other words, I have come to announce the hour of righteousness across the nations. En d'autres mots, je suis venu annoncer l'heure de la justice dans toutes les nations. We also saw very clearly that the process of purification in the church can only take place by fire. Et nous savons que le processus de justification dans l'Église passe par le feu. The only language that the church understands well is fire. Le seul message, le seul langage que comprenne l'Église, c'est le feu. That when you pass gold through fire, the impurities fall out. Que lorsque vous raffinez l'or à travers le feu, les scories tombent. And that we who are supposed to be the golden church. Et nous qui sommes supposés être l'église d'or, if we are passed through fire, si on nous passe à travers le feu, then the aluminium, the gold, the iron will come out. Alors tous les métaux impurs comme l'aluminium ou le plomb sortiront de l'or. The Lord is saying, le Seigneur dit that long gone are the days when you have a piece of gold. Lointains sont les temps où nous avions des pièces d'or. And yet you don't know the value, the real worth of that gold in that piece. Et pourtant vous ne connaissez pas la vraie valeur de l'or dans ce morceau. Because when you are given a piece of gold from the gold mine, parce que quand on vous donne un morceau d'or provenant d'une mine, you cannot say much about the true value of this piece of gold. Vous ne pouvez pas vraiment évaluer la valeur réelle de cette pièce de gold d'or. Only after purification and you can know the carat. C'est qu'après un processus de purification qu'on peut connaître la valeur en carat. Et vous vous retrouvez avec une toute petite pièce d'or finalement une fois qu'elle a été purifiée. That is the true worth of that gold. Ça c'est la vraie valeur de cet or. And so when the Lord said that the path that leads the kingdom of God is a narrow, lonely road. Et lorsque la Bible dit que le chemin qui mène au royaume de Dieu est un petit chemin étroit. I don't know why I am not in other churches, why I'm only here. Je me demande pourquoi je suis pas dans d'autres églises, mais je suis bien dans celle-ci. With such a very critical message deliberating on the eternity of this nation. Avec un message aussi important, la deliberating on the eternity, conversationing on the eternity. De parler sur la libération de l'humanité. I should have been in a place where everybody's there because now look, the Lord has sent us a messenger. J'aurais dû être dans un endroit où il y avait plein de beaucoup plus de monde puisque le Seigneur a envoyé un messager. And the gravity of the messenger, the Lord knows. Et la gravité de ce message, le Seigneur la connaît. Something as you will see very shortly. Et une chose que vous allez voir très prochainement. Something tells me there is a prophetic acceleration. Quelque chose me dit qu'il y a une accélération prophétique. So even as I'm talking in the context of preparing the garment of the Lord. Et alors, dans la même mesure que je parle du contexte de préparer l'habit pour recevoir le Seigneur. Let us do it in a hurry. Faisons-le rapidement. Let us walk in this narrow, lonely road. Marchons sur ce chemin étroit et isolé. If you look through this narrow, lonely road, not many people are walking there, but if you look ahead, si vous regardez sur ce chemin étroit et isolé, si vous regardez devant, you will always see the old, dirty, rugged cross. Vous verrez toujours cette vieille croix sale. The road that leads the kingdom of God goes through the cross. Le chemin qui mène au royaume de Dieu passe à travers la croix. Which means we need to crucify the flesh. Okay, c'est pour ça que nous devons crucifier la chair. And then I talked about the message of the midnight hour. Et hier, j'ai parlé du message de l'heure de minuit. And the message from there that came forth is that we need to go back to the blood and the cross. Et la conclusion de ce message était que nous devons retourner à la croix et au sang. When you get a post-modern country like Switzerland, lorsque vous prenez un pays comme la Suisse, un pays post-moderne, Switzerland has a very beautiful flag. C'est vrai que la Suisse a un très beau drapeau. I bless the Lord they have that flag. Et je remercie le Seigneur pour ce drapeau. Because I pray that all nations can have this flag. Parce que je prie que toutes les nations puissent avoir un tel drapeau. The flag that has the cross of Jesus. Le drapeau avec la croix de Jésus dessus. And the blood of Jesus. Et le sang, la couleur du sang. I mean, which better flag? Quel merveilleux drapeau. But I know that over time, mais je sais que dans le temps, even when we begin from a very beautiful foundation, même lorsqu'on part d'une très bonne fondation, d'une très bonne base, post-modernism has its way of drifting the church away from righteousness. Le post-modernisme a une tendance à faire dériver l'Église progressivement de la justice, hors de la justice and holiness. Et de la sainteté. And that's why my emphasis, my exhortation to you, c'est pourquoi mon emphase et mon exhortation à votre égard, is that please don't forget the old rugged cross. C'est de ne pas oublier la vieille croix meurtrie. From that dirty cross, your c'est de cette croix que votre salut vient. From that cross came the promise for your eternity, your future. C'est de cette croix que vient la promesse de votre éternité. Because in Israel, in the house of Jacob, when they waited for the midnight hour, the Lord told them that the blood of the lamb without defect. Parce que dans la maison de Jacob, lorsqu'à minuit, il fallait qu'il y ait le sang. That the blood of the lamb without defect. Voilà, il fallait qu'il y ait le sang sur la porte, le sang de l'agneau sans défaut. When they waited for their deliverance at the midnight hour. Quand ils attendaient à minuit de la délivrance. And he said that blood, when he finds it sprinkled on the doorframe. Et Dieu dit que lorsque l'ange passerait et qu'il verrait le sang sur les linteaux et le montant de la porte. And when the midnight hour strikes, bien, strikes. Et que le coup frappe à minuit. He says. Il dit when he will see the blood, que lorsque l'ange verrait le sang sur la porte, he will deliver his people, il délivrerait son peuple. As he comes to judge the gods of Egypt. Alors qu'il venait juger les dieux de l'Égypte. Là, on a parlé de ça hier, Exode 12. And I said, when the Lord spoke to me about the midnight hour, et lorsque le Seigneur m'a parlé de l'heure de minuit, that is the same Jehovah you worship. C'est le même Jéhovah que nous adorons. So his requirements for the midnight hour have remained the same. Donc ses demandes pour l'heure de minuit sont toujours les mêmes. He commanded the house of Jacob to get a lamb without deformity. Il a demandé à la maison de Jacob de trouver un agneau sans défaut, sans déformation. And offer and place blood. L'offre en sacrifice et place le sang sur la porte. As a way of preparing for the midnight hour. Comme un moyen de se préparer à l'heure de minuit. But here we too are waiting for the midnight hour now. Mais nous ici aussi, nous attendons cette heure de minuit. And so the Lord is saying, Et le Seigneur dit that for the church, que pour que l'Église, we saw in John chapter 1, 29, on l'a vu dans Jean 1, 29, that when John saw Jesus coming, que quand Jean a vu Behold the Lamb of God, il a dit, voici l'agneau de Dieu that takes away the sin of the world. Qui ôte le péché du monde. So for us, Jesus is the perfect Lamb of God. Donc pour nous, Jésus, c'est l'agneau parfait de Dieu. And so I have come to announce you, precious people, et donc je suis venu vous annoncer, très cher, that the Lord has sent me here with the message of the midnight hour, 1 minute to midnight. Que le Seigneur m'a amené ici pour vous délivrer un message de l'heure de minuit. And the message that resonates therefrom. Et le message qui résonnait, qui résonne, from there, à partir de ce message, is the message that says, hey, c'est celui qui dit, the house of Jacob, they covered themselves with blood as they waited for the midnight hour. Que la maison de Jacob s'est couverte de sang alors qu'approchait minuit. Even we too, us too. Même, de même, nous, we need to cover with the perfect blood of the perfect Lamb of God. De même, nous devons nous revêtir du sang de cet agneau parfait de Dieu. But why would God send me to tell a church, a people whose flag is a cross, to cover with the blood of the Lamb? Mais alors pourquoi Dieu m'enverrait parler à un peuple dont le drapeau a la croix et le sang sur son... Pourquoi m'enverrait-il vers un peuple comme celui-là? Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. The blood of the Lamb, le sang de l'agneau, the blood of Jesus, le sang de Jésus, is the ultimate sacrifice. C'est le sacrifice ultime. There is no other. Il n'y en a pas d'autre. And that's why in Hebrews chapter 6, verses 4 to 6, et c'est pour ça dans Hébreux 6, versets 4 à 6, it says, if we deliberately keep on sinning after we receive the knowledge of the truth, si nous continuons délibérément à pécher après avoir reçu la lumière, then there's no other sacrifice available. Il n'y a pas d'autre sacrifice disponible. When you're covered by the blood of the Lamb, lorsque vous êtes couvert du sang de l'agneau, look what it can do. Listen what happens when the blood of Jesus touches you. Écoutez ce qui se passe lorsque le sang de Jésus vous touche. You can be out there as a drug addict. Vous pouvez être dehors dans la rue comme un drogué. In prostitution. Dans la prostitution. As an atheist. Comme un athée. Or whatever it is out there. Ou peu importe tout ce qu'il y a dehors. But when the blood of Jesus touches you. Mais quand le sang de Jésus vous touche. As you receive the Messiah. Alors que vous recevez le Messie. It will transform you from a child of the world to the child of God. Ça vous fera passer d'être un enfant du monde à un enfant de Dieu. When you are in drugs, you will leave drugs and you walk into the house of the Lord. If the blood touches you, whatever the situation, you will walk out and enter the house of God. Donc si peu importe la situation dans laquelle vous étiez, si le sang vous touche, vous rentrez dans la maison de Dieu. And also your identity will change. Et votre identité change. Completely. Complètement. If you were in alcoholism, si vous étiez dans l'alcoolisme, you should not be in alcoholism. Vous ne le serez plus. After the ultimate sacrifice touched you. Et après que le sacrifice de Jésus vous a touché, vous ne pouvez plus l'être dans l'alcool. If you were in prostitution. Si vous étiez dans la prostitution. After the blood touches you. Après avoir été touché par le sang. You should not be. Vous ne pouvez plus y retourner. And there are many things. The list is long. Et la liste est longue de toutes ces choses. So the question is. Donc la question est la suivante. When you look at your countenance in the church. Lorsque vous regardez à votre image dans l'église, y a-t-il des choses qui restent encore conformes à l'image qu'il y avait dans le monde? Now listen, precious people. I want to talk today about the prophecy of the four apocalyptic horsemen. J'aimerais parler aujourd'hui de la prophétie des quatre cavaliers de l'Apocalypse. And I'm going to focus on the last two. Et je vais me focaliser sur les deux derniers. And summarize the others. Et résumer les deux autres pour le temps qui nous importe. For some time now, the Lord has been sending me to prophesy the release of the four apocalyptic horsemen. Depuis un certain temps déjà, le Seigneur m'a demandé de délivrer ce message concernant les quatre cavaliers de l'Apocalypse. And I've been going around the world talking about the four horsemen. Et donc je parcours le monde entier pour parler des quatre cavaliers de l'Apocalypse. And listen, precious people. Et donc très chers. In one vision on August 19th. Le 19 août, j'ai eu une vision. The year 2008. En 2008. In that vision, the Lord lifted me up and brought me before His throne. Et dans cette vision, le Seigneur m'a saisi et m'a amené devant Son trône. And when I stood before the throne of God in heaven, et lorsque je me suis retrouvé devant le trône de Dieu au ciel, there was so much glory that covered the throne. Il y a tellement de gloire qui entoure le trône. And then all of a sudden, out of that glory came a creature. Et tout d'un coup, hors de cette gloire, est sorti comme une créature. And when the creature came, I described, I was very panicked when the creature came out. Et lorsque cette créature s'est approchée de moi, j'étais vraiment en état de panique. In that vision. Dans cette vision. And the Lord made him come very, very close. Et le Seigneur l'a fait approcher de moi, très très proche de moi. And in some text, I described the frowning. Et dans mes écrits, je décris tous les signes de cet animal, de cette. And then he went back to the glory, et il est retourné dans la gloire, to the throne, près du trône. And then the Lord opened my eyes farther in that vision. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Opened my eyes further, more. M'a ouvert encore plus ma vision, ma compréhension. And I saw that creature release the black horse. Et j'ai vu cette créature qui a lâché le cheval noir. And the black horse, first of all, came all the way up to where I was. Et donc le cheval noir s'est approché de moi. And then I was very shocked that he has what in English they say mane. J'étais impressionné par la crinière qu'il avait. Yes, from I was very surprised from here to here. Long hair, très très long, avec une crinière très longue, un poil très long. And then after that, I saw the black horse running all over the earth. Et puis ensuite, j'ai vu le cheval noir parcourir la terre. And then when I woke up, like I said as usual. Et lorsque je me suis réveillé, that every time the Lord speaks, you must find it in the Bible. J'ai vu que je vous rappelle que tous, chaque fois que le Seigneur vous parle, on doit le retrouver dans l'Écriture. If you don't find it, the Lord has not spoken. Si vous ne le retrouvez pas dans la Bible, c'est que ça ne vient pas de Dieu. And so in the Bible, et dans la Bible, when I found it, then I knew the message you were sending me with to the church. Lorsque j'ai retrouvé, j'ai compris le message que le Seigneur veut me donner à l'Église. And that's why on August 23rd, Saturday. Et c'est pourquoi le 23 août, samedi. And August 24th, Sunday. Et le 24 août, dimanche, we had a very big meeting, more than 2.5 million people in Nakuru. Nous avions une grande réunion, un grand meeting de 2,5 millions de personnes à Nakuru. Open, you have to get an open, endless. Et on avait dû prendre un champ immense et sans aucune barrière. And when I stood at that altar of the Lord, et lorsque je me suis mis debout sur cet autel du Seigneur, I said, "Listen to me, the nations of the earth." J'ai dit, écoutez-moi, nations du monde. And I said, "Listen to me, the angels in heaven." Écoutez-moi, anges du ciel. I have seen the release of the black horse. J'ai vu le cheval noir lâché. And I said, Revelation chapter 6 verse 5. Apocalypse 6, verset 5. And I said that means there's a global economic crisis that is coming. Et ça veut dire qu'une crise économique globale est en train de venir. And I said that means there's a global famine coming. Et c'est une famine globale qui vient. And then it happened in a very short time. Et c'est arrivé très très vite. When we were in Toronto bringing this message to a big conference. Lorsque nous étions à Toronto dans une grande conférence amener ce message. In October that very year. En octobre 2008. All the financial markets crashed from the west. L'ensemble des marchés financiers de l'ouest vers l'est se sont tombés. North to south. Du nord au sud. And then this crisis that you see consuming Europe even now, the debt crisis began. All these things began then. Et cette grande crise financière qui continue aujourd'hui, elle est venue en Europe, elle continue aujourd'hui. The debt crisis in Portugal, in Greece, in what? Everybody cutting budgets and all this, you know? La crise des finances publiques. Ireland. Irlande, Italy, Portugal, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, France bientôt. Britain is cutting the budget. La Grande-Bretagne même réduit ses budgets. Tout le monde se procède. La dégradation de la note américaine. So that was the prophecy. C'était vraiment la prophétie que j'avais eue. And then on July 29. Et en juillet, le 29 juillet 2009. En 2009, cette fois, I was traveling to Venezuela for massive national revival. J'allais pour un grand réveil au Venezuela. And in South Africa, while sleeping on the floor of the airport. Et alors que j'étais with my bag at the pillow. Et alors que j'étais encore en Afrique du Sud à ce moment-là, dormant dans l'aéroport avec mon sac comme oreiller. With the noise, the announcement all the time, people walking. So much. J'étais dans le hall de l'aéroport avec les annonces, etc. Les gens qui passent. And we had to stay there for 24 hours. Et on devait attendre notre vol pendant 24 heures. But at that place, I saw the visions of God. C'est là que j'ai vu la vision de Dieu. I fell asleep, and in the vision, the Lord said, "Look and see who is coming." Et j'étais dans la vision. Le Seigneur m'a dit, "Regarde qui vient." Look and see who is coming. Regarde et vois qui vient. And I remember in that vision when I looked towards my left. Et dans cette vision, alors que je regardais à gauche, then I saw a tremendous pale horse, a big one. J'ai vu un énorme cheval pâle. Yes, a big one coming. Venir vers moi. And you know the rider and everything. Avec son cavalier et tout. But behind him, it was as though there is a very big storm coming. You know that greenish kind of color, like a very big storm is following him behind like this. Dans son sillage, il y avait comme une espèce de tempête verdâtre qui le suivait. But that was also the first time that I saw the raptured church before the throne in heaven worshiping. C'est aussi la seule fois où j'ai vu l'église de Dieu devant le trône qui avait été enlevée. I used to think it's only the glorious body. Je crois que c'est vraiment uniquement le corps de Christ glorieux. But I also found out that actually there is a real glorious gown and it flows just a little bit out of the foot there, like that it flows a bit. There's also a gown, a glorious gown. Il y a aussi une robe glorieuse. And when it reaches down, it flows just a little bit. Cette robe, elle dépasse un peu sur le sol. And when they were worshiping from where the Lord put me, when they moved in unison, their gowns were giving light like camera flash of thousands glory. Alors que l'église like louait Dieu dans le ciel et qu'ils étaient à l'unisson, on voyait leur robe qui scintillait like camera flashes, comme les flashs de caméra. Thousands of them, des milliers et des milliers de flashs. The glory was emitting from their garments. La gloire sortait de ses vêtements. But anyhow, I want to focus on this part of the pale horse. Et donc je veux maintenant me focaliser sur ce cheval pâle. Listen very carefully, precious people. Écoutez-moi bien, mes chers. So I began to go all over the world in Australia, I mean everywhere, saying that the pale horse is coming. I have seen him coming. Donc je me suis mis à parcourir le monde, en Australie et ailleurs, pour dire le cheval pâle arrive. And I found it in the Bible. Et je le trouve dans la Bible. And the pale horse was released. Et le cheval pâle a été that lâché. Prophecy was fulfilled. Cette prophétie a été réalisée. That's what you see now, consuming the Arab world and all this. C'est ce que vous voyez maintenant se passer dans le monde arabe, le printemps arabe, la Libye, la Syrie, le Yémen, Tunisie. I want to begin from there. Et je veux commencer à partir de là. What is the message to Switzerland? Quel est le message pour la Suisse? I've only touched on the last two, the number three and number four. J'ai parlé du troisième et du quatrième cheval seulement. Listen, precious people, and I'm doing in a hurry. Donc écoutez-moi parce que je vais assez vite. One time when Jesus was leaving the temple after ministration. Un jour, alors que Jésus quittait le temple. It was his common practice that when he finishes ministering, he withdraws to the Mount of Olives. Chaque fois qu'ils avaient fini de porter le message et de l'exercice en ministère, ils se retiraient sur le mont des Oliviers. Our Lord always liked to withdraw after ministering. Et notre Dieu aimait à se retirer après avoir délivré son message. And it's also very heartbreaking that he did not have a home to withdraw to. Parce qu'il n'avait même pas de maison. Ce qui est triste, c'est qu'il n'avait pas de maison où aller. And so he used to withdraw to the rock on the Mount of Olives and take a rest. Et il allait se reposer sur le mont des Oliviers, sur un simple rocher. And so, in one of those occasions, et à l'une de ces occasions, the disciples, as he was withdrawing, they came to him. Alors qu'il se retirait sur le mont des Oliviers, ses disciples vinrent le voir. And the Bible says they tried to draw his attention to the temple and its building. Et la Bible dit qu'ils ont essayé d'attirer l'attention de Jésus sur le magnifique temple, le building du temple. The book of Luke says they tried to draw his attention to the magnificence of the architecture, the beauty of the building. Et l'évangile de Luc nous dit qu'ils ont essayé d'attirer l'attention de Jésus sur la magnificence de l'architecture de ce building. And the gifts that were brought to the temple, the gifts. Et tous les dons qui étaient apportés au temple. That were used to build the pillars of the temple. Qui permettaient de créer tous ces piliers du temple. So, when they did so, then the Lord broke their hearts. Disappointed them. Le Seigneur les a déçus de cette manière. He broke their hearts. Il a cassé leur cœur. Il a brisé leur cœur. He broke their hearts by saying. En leur disant. Do you see all this? Vous voyez tout ça? They must be broken down. Vous voyez tout ce temple, il va être abattu. And no stone will be left on another. Et aucune pierre ne restera en place. So they were confused. Et ils étaient très confus. Why? Pourquoi? Why would anyone bring down such beautiful buildings? Pourquoi abattre un tel building? And yet it is the temple of the Lord. Et c'est le temple du Seigneur. Listen very carefully, precious people. Écoutez-moi, mes chers. Then somehow the Holy Spirit gave them wisdom. Et là, le Saint-Esprit leur a donné une sagesse. And they began to understand that the Lord was talking about the signs of his coming and of the end of the age. Ils ont pu comprendre que le Seigneur parlait des signes de son retour et des signes du temps, des signes des temps. Now look at what I'm doing here. Regardez ce que je vais faire. The Bible says he was sitting on the rock on the Mount of Olives, on the stone. La Bible dit qu'il était assis sur une pierre sur le mont des Oliviers. And the disciples came up to him privately, not publicly, privately here at his feet. Et de façon très privée, ses disciples sont venus près de lui, à ses pieds, et lui ont demandé, Lord, Seigneur, when will this happen? Quand cela va-t-il arriver? And what will be the signs of your return, of your coming? Quels seront les signes de ton retour? And of the end of the age? Et de la fin de l'âge? And I'm telling you, et je vais vous dire, that when Jesus began to answer that question, que quand Jésus leur a répondu, the biggest prophecy in the entire Bible was birthed out. La plus grande prophétie de toute la Bible est née, a été réalisée. In fact, the most central prophecy in the entire Bible combined was given. La prophétie la plus importante de toute la Bible a été donnée à ce moment-là. All the other prophecies just revolve around this prophecy. Toutes les autres prophéties tournent et dépendent de cette seule prophétie. Because parce que he gave the signs and he gave the secrets of the signs that would happen right before he comes. Parce qu'il nous délivre le message de tous les signes qui vont précéder immédiatement son retour. The Bible, la Bible, this book here, ce livre, the Bible was written by the Holy Spirit, a été écrite par le Saint-Esprit for one purpose, pour un seul but, that one day, qu'un jour, the church might enter, l'Église puisse entrer into the kingdom of God, dans le royaume de Dieu. And so if there is a prophecy, et donc s'il y a une prophétie that talks about how we can enter, qui parle de comment nous pouvons entrer, at which Jesus is releasing the secrets of the events before we enter, où Jésus révèle le secret de l'événement avant que nous puissions y entrer, then that prophecy is very central. Donc cette prophétie est très centrale. And let me run through it. Et allons-y. So when you look at the entire Bible, lorsque vous regardez toute la Bible, you meet the four glorious gospels. Vous avez les quatre glorieux évangiles. And the four glorious gospels denote, they define the glorious ministry of Christ. Et ces quatre évangiles glorieux montrent tout l'évangile, tout le ministère de Christ. And many times you anchor yourself on the four glorious gospels as you preach the entire Bible. Et souvent vous ancrez sur ces quatre glorieux évangiles pour prêcher toute la Bible. So that prophecy was so critical that Matthew recorded it in Matthew 24. Et cette prophétie est tellement importante que Matthieu l'a retranscrite dans Matthieu 24. And Mark saw the significance of that prophecy and he put it in Mark chapter 13. Et Marc a reconnu l'importance de cette prophétie, il l'a mis dans son chapitre 13. And Luke saw how critical it was and Luke put it in Luke chapter 21. Et Luc a aussi vu l'importance de cette prophétie, il l'a mis dans son chapitre 21. But when you come to John, you don't find it there. Mais quand vous allez dans l'évangile de Jean, vous ne la trouvez pas. In the book of John, you don't find it there. Dans le livre de Jean, on ne la trouve pas. And I say, et donc j'ai dit hier that the reason John did not record it, que la raison pour laquelle l'apôtre Jean ne l'a pas mis dans son évangile, is because the Holy Spirit put John aside. C'est parce que le Saint-Esprit a mis de côté Jean. That John may receive the transcript of the revelation of that prophecy. Afin que Jean puisse recevoir particulièrement la transcription de toute cette prophétie. And in fact, John recorded that revelation in the book of Revelation chapter 6. Et Jean met toute cette révélation dans son livre, dans le livre qu'il a écrit, l'Apocalypse. So I want us to begin from there and summarize for you that very fast. You know why? Et je voudrais vraiment vous résumer ça rapidement. Vous savez pourquoi? Because the reason the Lord put John aside. La raison pour laquelle le Seigneur a mis Jean à part, that when the prophecy he gave here, sitting on the rock, c'est que la prophétie qu'il a donnée alors qu'il était sur cette pierre, when we would read it, lorsque nous la lirions, and then eventually watch what is happening in our news and all over us, et que nous voyons ce qui se passe dans le monde, and run to the book of Revelation, nous puissions aller dans le livre de l'Apocalypse, then we could tell the prophetic timeline of God, afin de pouvoir discerner le temps prophétique de Dieu, le déroulement du temps prophétique de Dieu. Then we can now tell where exactly, how close we are to the coming of the Messiah. Et maintenant, nous pouvons vraiment nous rendre compte de la proximité du temps du retour du Seigneur. You remember the Bible says in Revelation chapter 16, verse 15. Et dans Apocalypse 16, verset 15. He says, "Behold, I come like a thief." Le Seigneur dit, attention, je viens comme un voleur. And he says the dead must be raised imperishable first. Et les morts seront ressuscités. After that, he says then you that are living will be translated. Et vous, les vivants qui demeurez, seront translatés. And he says when the perishable has been converted to the imperishable. Et lorsque ce qui est périssable a été converti dans quelque chose de périssable, lorsque du mortel on passe à l'immortel, the corruptible into the incorruptible. Lorsque le corruptible passe à l'incorruptible. And he says finally then the saying comes true. Donc la parole devient vrai, that death has been crushed in victory. Que la mort a été ensevelie, a été écrasée par la victoire. But that is the blueprint of the creation of man, the church. Et ça, c'est le modèle de la création de l'homme, l'Église. That one day we will defeat death. Qu'un jour nous battrions la mort. And that is the day he comes for the church. Et c'est le jour où il vient pour son Église. So listen, precious people. Donc, très chers. I want us very fast and carefully. Mais demande-toi aller vite et de manière précise. To walk you through this, and one thing that you're going to see. J'aimerais vous montrer une chose. Is why the Lord has been sending me globally to prophesy this hospital until you see now the death consuming the Arab world, the unrest, the global crisis, and all these things. You know. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé parcourir le monde pour prêcher ce message de tout le tumulte qui va venir, la mort, les révolutions, les guerres. He said very powerful word. We're going to read from what you just said, revolution. Very key word in today. C'est vraiment un mot très important, le mot de révolution. But anyhow, along the way, you are going to see the progression towards the coming of the Lord. Vous allez voir toute la progression jusqu'à l'arrivée du Seigneur. So what is this central prophecy in the Bible? Donc qu'est-ce que cette prophétie centrale dans la Bible? Turn with me very fast to the book of Matthew chapter 24. Let's begin. Matthew 24, beginning from verse 1. Verset 1. Jesus left the temple and was walking away when the disciples came up to him to call his attention to its buildings. Donc Jésus s'en allait et sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verse 2. Verset 2. He says, "Do you see all these things?" he asked. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. And then he goes on in verse 3. Verset 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, on the rock. Remember the sitting on the rock. As Jesus was sitting on the Mount of Olives. Alors qu'il s'assit sur la montagne des Oliviers, sur le rocher. The disciples came to him privately. Tell us, they said. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. When will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Now, in verse 4. Verset 4. When the Lord Jesus just began to respond. Jésus leur répondit. The biggest prophecy in the Bible was baptized. C'est là la plus grande prophétie. And if you want to write down the key elements of that prophecy, which I'm going to summarize globally, so you know what you're watching on your news. Et si vous voulez marquer donc c'est ce message que j'ai, vous puissiez le voir aussi dans les nouvelles. In verse 4, he said, Jesus answered. Jésus répondit. Watch out that no one deceives you. Prenez garde que personne ne vous séduise. If I were you and meet the word deceive, I would underline it. Si je voyais le mot, je le soulignerais. So he says, watch out that no one deceives you. Prenez garde que personne ne vous séduise. For many will come in my name, claiming I am the Christ. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. And will deceive many. Another word, deceive again. Et séduiront beaucoup de gens, tromperont beaucoup de gens. That means the first key, the first element of the Mount of Olives prophecy. C'est-à-dire le premier élément de la prophétie du monde des Oliviers. The Olivet prophecy, so to say. La prophétie du monde des Oliviers. The first element, the first item is the Lord said, before he comes, there would be a dispensation of deception. Le premier élément qu'il souligne, c'est qu'avant qu'il vienne, il y aura de la tromperie et de la déception. Yeah, so if you write number one, it will be deception. The things to watch out for before he comes. Donc attention à la tromperie et à la séduction. Deception. Number two, verse 6. He says, you will hear of wars and rumors of wars. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. But see to it that you are not alarmed. Gardez-vous d'être troublé. Such things must happen, but the end is still to come. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. And he says there that nation will rise against nation, kingdom against kingdom. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. By the way, let me open this to you. Laissez-moi vous dire une chose. When Jesus was making this description, sitting on the Mount of Olives, quand Jésus faisait cette description assis sur le Mont des Oliviers, he was essentially giving the prophecy of the four apocalyptic horsemen. Il donnait la prophétie des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Only the Lord can reveal this to me. So this is very treasured. That's why I'm so blessed to share it. Seul le Seigneur peut vous le révéler. So the first one was deception. Donc la tromperie, c'est la première chose. The second one, he seems to be saying bloodshed. La deuxième, c'est de le sang qui est répandu. If I understand wars and rumors of wars, nation against nation, bloodshed. Si je vois donc des guerres entre nations et royaumes entre eux, je vois du sang couler. Bloodbath. Des bains de sang. Blood flow. Un flot de sang. And you will see later that the horseman that denotes this is the red horse. Et on verra plus tard que c'est le cheval rouge. So, the second is bloodshed. Number one, deception. Number two, bloodshed. Un, la séduction, la tromperie. Deux, le bain de sang. Number three, he says, there will be famines and earthquakes in various places. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Now you understand why I was prophesying the global economic crisis and famine. Vous voyez pourquoi je prophétisais sur la destruction de l'économie global, et sur la famine globale. The global financial crisis. La crise financière globale et la famine en Afrique, notamment. Economic crisis. La crise économique. Why the credit rating of the United States has been lowered to AA from AAA. Pourquoi la notation américaine est passée de AAA à AA. Why the financial market, the debt crisis in Europe and all this, the eurozone, the periphery countries, the PIIGS countries, all this, name it, you know. Pourquoi la crise des finances publiques en Europe, Italy, Spain, Greece, what, all these things you see. Évidemment tous les pays périphériques, les fameux PIGS. Again, it says, there will be famines and earthquakes. Et il dit, il y aura des famines et des tremblements de terre. So, famines, people go to work to put bread on the table. Les gens vont travailler pour avoir du pain sur la table. So, the third item there, the third item in the prophecy is famine. Donc, le troisième élément de cette prophétie, c'est la famine. Or you can say economic crisis, depending on where you come from. Ou la crise économique, si vous voulez généraliser. From the first world, you might say economic crisis. If you are from the first world, si vous êtes dans le monde développé, vous parlez like, de crise économique. Like Switzerland, you will say en Suisse, on dit crise économique. Or you might say famine on the other side of the earth. So now the next thing, la prochaine chose, because he says there will be famines and earthquakes in various places. Il dit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre dans divers endroits. Now you understand why I go all over the world prophesying earthquakes. Vous comprenez maintenant pourquoi je vais partout dans le monde pour prophétiser sur les tremblements de terre. And each one of them, I said, must come to pass. Et tout ce que j'annonce se passe. On August 23rd, I was in Kenya, people. Le 23 août dernier, j'étais au Kenya en train de préparer la conférence. And the Lord spoke with me at about midday Kenyan time. Et le Seigneur m'a parlé vers midi à l'heure du Kenya. In a dream. Dans un rêve. And I don't know whether you know how he talks with prophets. What he does, he takes you and he puts you inside the earthquake. So you already feel, you run for your life, you feel how they will feel. Et ce qui se passe quand vous avez une vision, c'est que le Seigneur vous prend et vous emmène dans le tremblement de terre. Actually, you're terrorized because I literally ran for my life. J'ai vraiment couru pour ma propre vie. But in that dream. Mais c'était dans mon rêve. And so I remember at about 5:15 Kenya time, PM. Et je me souviens qu'à 5h15, à l'heure du Kenya, we have a global radio now. I went live on the global radio. Everybody was tuned in all the way from New York, here, and many other countries. Je suis allé sur notre radio en direct. And people were tuned in. Then I said, a huge tremblor was coming to the United States, to the Western Hemisphere. J'ai annoncé qu'un grand tremblement de terre allait venir aux États-Unis. And I was describing the postmodern metropolis. Et je parlais d'une ville postmoderne. The New Yorks. Je parlais de New York. The Washington and many. Washington et autres. But anyhow, what is key about that? Et ce qui est clé là-dessus, is that, you know, I was very surprised. J'étais très surpris. I gave the prophecy at 5:15 p.m. J'ai donné la prophétie à 5h15 de l'après-midi. And so our radio actually uploaded it. Of course, it's global, by the way, but then it uploaded it also on the internet. You know, the prophecy. Et notre radio globale a transmis ce message sur internet. And then there was a big global discourse that began around the prophecy. Et il y a eu tout un discours autour de cette prophétie. And then for the video team, et donc le l'équipe de vidéo, I recorded at 7:20 p.m. Je l'ai enregistré à 7h20. And as I went to prepare for coming, I said, "You upload it quickly in less than 30 minutes onto the web." Et donc, you put it on the web. Ils l'ont mis en ligne sur Internet. Yes, but when I came back at 9 p.m., quand je suis revenu à 9h, as she was uploading, elle était en train d'applaudir. All we heard is that earthquake struck. Parce que nous avions entendu que le tremblement de terre s'était passé. And it was such a huge earthquake, the White House was evacuated. C'était un gros tremblement de terre, même la Maison Blanche a été évacuée. It was such a big earthquake, the Pentagon was evacuated. Le Pentagone a dû être évacué aussi. So he says, donc, il dit, there will be famines and earthquakes in various places. Il y aura des famines et des tremblements de terre en plusieurs endroits. That's why he shows them to me and says, go tell them. C'est pourquoi il me le dit et il me dit, va leur dire. Haïti, I remember I went to warn them there. Haïti. Je suis allé à Haïti pour les avertir. November 22, 2009. En novembre 2009. And you see what happened on January 12th. They didn't take it serious. And it happened. C'est passé le 12 janvier. In Chile. Au Chili. Kenya. Au Kenya. Australia, New Zealand. En Nouvelle-Zélande. All these things. Tout ces. So I want to base it on this. Pour un peu du temps, je veux me baser sur ces prophéties. But if you read on, you say verse 8, it says all these are the beginning of our pains. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. And if you read on further, then he says very clearly, it talks about the increase in wickedness that was going to come. Et il parle de la méchanceté qui va augmenter. He says there will be an increase in wickedness. Il y aura une augmentation de la méchanceté. And he says this. Et il dit cela. In that dispensation, as there will be an increase in wickedness. Alors qu'il y aura une augmentation de la méchanceté. The love of most will grow cold. L'amour de beaucoup se refroidira. In fact, he says in other versions they say the love of most will wax cold. L'amour de beaucoup se refroidira. And he goes on downstairs, if you follow. Et il descend. He goes on by saying, because of that wickedness of the hour, two men will be working in a field, one will be taken, the other remain. Et à cause de la méchanceté de cette heure, deux hommes marcheront dans un champ et un sera pris, l'autre restera. Two men in the field, one taken, one will remain, same field. Deux personnes dans un champ. Working in the same church, in the same vineyard. De la même église, du même vignoble. The vineyard of Christ globally. Le vignoble de Christ global. And he says, et il dit, two women will be grinding on a grinding mill. Deux femmes seront au moulin pour moudre. One will be taken, the other remains. Une sera prise, l'autre sera laissée. So I want to lock this message on this. Donc je veux mettre mon message là-dessus. We have seen the key elements of the Mount of Olives prophecy. Nous avons vu les éléments clés de la prophétie du Mont des Oliviers. The things Jesus asked the church, asked us to watch out for. Les choses pour lesquelles Jésus nous demande de veiller. Why? Because he knew that the Bible must be fulfilled. Parce qu'il savait que la Bible allait être réalisée, la prophétie. Because the Bible says, like a thief, you come like a thief. Parce que la Bible dit que il vient comme un voleur. And so, a thief does not announce his coming. Un voleur n'annonce jamais à l'avance. I mean, you don't know when the thief will come. Vous ne savez pas quand il vient. And that means without any prior, you know, open the eye, close eye, he has taken the church. He will steal the church, the golden church. The thief steals gold, but I mean, I'm just saying, he will steal the golden church. Il prend son église. You know, when the thieves come at home, they don't say, ah, this chair is good, I want it. Also, this was good chicken, let me put on my head. He doesn't take everything. Un voleur, lorsqu'il rentre dans une maison, il ne va pas s'amuser à évaluer tous les... Because it tells you that the Lord is going to come for a treasure church. Ça veut dire que le Seigneur va venir pour une église précieuse. But listen, precious people. Mais écoutez-moi, très cher. I want to walk you from this point on and connect with the book of Revelation that you may now know what you see in the news. Je veux maintenant, à partir de maintenant, vous connecter avec le livre de l'Apocalypse pour que vous puissiez le mettre en perspective avec l'actualité. And you see the importance of why John was put aside to receive the transcript of Revelation of this. Que vous compreniez pourquoi Jean a été mis à part pour pouvoir transcrire en détail ce que dit Jésus sur le mont des Oliviers. Now listen to this. Écoutez. When John received the revelation on this Mount of Olives prophecy. quand Jean reçoit la prophétie du mont des Oliviers, he received the revelation of the prophecy of the four apocalyptic horsemen. Il reçoit la prophétie des quatre cavaliers de l'Apocalypse. In quick summary, en résumé, if you look at Revelation chapters 1, 2 and 3, si vous regardez les chapitres 1, 2 et 3 d'Apocalypse, we are not reading them now. On ne va pas les lire maintenant. Revelation chapters 1, 2 and 3, les chapitres 1, 2 et 3, you'll find there things like repent. Vous voyez des choses comme la repentance. And remember the height from which you have fallen. Souviens-toi d'où tu es tombé. You find there things like you have eyes but you see not. Tu as des yeux mais tu ne vois pas. You find there things like in Sardis there are those who are still dressed in white robe and they walk with the Lamb of God. They have not soiled their garment. Ou alors à l'église de Sardes, ils marchaient avec une robe. You find there things like those who are lukewarm, you're confusing to me, I will spit you. Ceux d'entre vous qui sont tièdes, je vous vomirai de ma bouche. You find that the three chapters are somehow centered around this most critical one word called repentance. Et ces trois premiers chapitres parlent vraiment, sont centrés sur la notion de repentance. This very simple phenomenon, but at times tricky, called repentance. C'est un phénomène particulier et important qu'on appelle la repentance. The Lord is using that to prepare the church. You see that there is where the church is being prepared. Le Seigneur se sert de ça pour préparer son église. Chapters 1, 2, 3, prepare the church. Les chapitres 1 à 3, c'est prépare l'église. For the coming of the Messiah. Pour la venue, l'avènement du Christ. But when you go to Revelation chapter 4, mais lorsque vous allez à partir du chapitre 4, you find that he is talking about the throne of God. Il parle du trône de Dieu. And in the throne of God, he discusses four living creatures. Et devant le trône de Dieu, il parle de quatre êtres vivants. Now you understand why the Lord brought that creature very close to me, and I was very terrorized. And then the creature went back to the glory at the throne. Et vous comprenez maintenant pourquoi l'un de ces quatre êtres vivants, Dieu l'a amené proche de moi et ensuite il est retourné au trône. And I remember I called all the team. I told them, don't go to offices today. Come first thing in the morning. We have a meeting. Don't even go postpone all your meetings. They came to the office in Nairobi. J'ai dit à mon équipe d'annuler tous leurs meetings et de venir tout de suite me voir. Actually, I was still, by the time I was talking to them, I was still in shock. J'étais toujours sous le choc quand je leur parlais. And I was telling them, it is he. It is he. Et j'aurais dit, c'est lui. I've seen him. Je l'ai vu lui. It is he. C'est lui. So they were very scared. They were like, what has he seen? Qu'as-tu vu? And I told them, God is more serious. It is he. I've seen. I saw his face. Je dis, Dieu est très sérieux. C'est lui. J'ai vu sa face. I did not describe. I was also terrorized in that morning. I was still shaking. I was still trembling. Anyhow, and then later, when I read the Bible, then they understood because it was the third creature that has the human face. But I'm going to discuss this. On a vu que c'était la troisième créature qui a la face d'un homme. But anyhow, Revelation chapter 4 discusses the throne of God. Donc Apocalypse 4 décrit le trône de Dieu. And you, as the Church of Christ, you must know about these things. Et vous, en tant qu'Église, vous devez connaître ces choses. You want to go and live in heaven, you must know about the throne of your King. Vous allez vivre au ciel, vous devez connaître le trône de votre roi. And it says, the first creature. La première créature, he's like a lion. Elle est comme un lion. The second like an ox. La deuxième comme un bœuf. The third one has a face like man. That's the one I was describing. It is he. It is him. Que je vous ai décrite, elle est la face d'un homme. And then the fourth one is like an eagle. Et la quatrième a la face d'un aigle. Switzerland. La Suisse. I have seen the four. J'ai vu les quatre. As the Lord sent me to prophesy the horsemen. Alors que le Seigneur m'a demandé de prophétiser sur les quatre cavaliers, the four horsemen. J'ai vu les quatre. And so listen, precious people. Écoutez-moi, très cher. And so when you go to chapter 4 still, you find him discussing 24 other thrones around the throne of God. Et dans le chapitre 4, on voit qu'il y a 24 autres trônes autour de celui de Dieu. And you find him discussing the 24 elders, and he says they have crowns, they have white robes. Et il est parlé des 24 anciens qui ont des couronnes. And he says that when they worship Jehovah, et quand ils adorent Jéhovah, they go down and even lay down their crowns before him. Ils se prosternent devant lui et déposent leurs couronnes devant lui. And I said, I normally stop there to ask one simple question. Et là, Jean demande une seule question. I normally ask. Et je demande normalement. Isn't that the same God you're worshiping? C'est le même Dieu que vous adorez? And I normally ask. Et normalement, je demande. That, hey, I know that you have many crowns. Et je sais que vous avez PhD crowns. Vous avez crowns of wealth, crowns of many marriage. I don't know what crowns you have. Je sais que vous avez tous beaucoup de couronnes, des doctorats, des diplômes. The church has many crowns. You know, when you get your PhD, they normally put it on you. When you get your bachelor's, whatever, they are crowns the church has. Quand vous avez votre diplôme, on vous le met avec cérémonie. You see people wearing crowns on that day. Et on est fier de porter cette couronne. In the kingdom of God, crown means achievement. Dans le royaume de Dieu, une couronne, ça veut dire, ça signifie une réussite. But I am surprised that the 24 elders, when they are worshiping, they have to lay down their achievement, their crown, before the Lord. Et pourtant, on voit ces 24 anciens qui jettent leur couronne au pied du trône. And so I have been sent here to Switzerland, to this diplomatic city. J'ai été envoyé ici à Genève, dans cette ville diplomatique. The city of diplomats. La ville des diplomates. Embassies. Les ambassades. The city of the United Nations, WHO, name it, World Meteorological Organization. Red Cross, everybody wants to have an headquarters here. Tout le monde veut avoir son siège ici. And so my question is this. Ma question est la suivante. In your worshiping of Jehovah, dans votre adoration de Jéhovah, have you really laid down your crowns? Avez-vous déposé votre couronne à ses pieds? In worshiping Jehovah, have we laid down our crowns? En adorant Jéhovah, avons-nous déposé notre couronne à ses pieds? Listen, let me move on further now. Continuons. And so you see, chapter 4 is discussing the throne. Donc, vous voyez, le chapitre 4 parle du trône. Chapter 5, you meet the scroll of God. Et au chapitre 5, on voit le rouleau de Dieu. Parchemin, le rouleau de parchemin. So in Revelation chapter 5, you meet the scroll of God. Donc dans le chapitre 5, on voit ce rouleau de parchemin. And you find that the scroll of God has 7 seals. Vous voyez que sur le rouleau de parchemin, il y a 7 sceaux. Those who can record this, because this is very critical. What I'm entering now is very sensitive information. Ça, c'est très simple, c'est très important, donc enregistre-le bien. So, in Revelation chapter 5, you have the scroll of God with 7 seals. Donc, dans Apocalypse 5, il y a ce rouleau de parchemin de Dieu avec les 7 sceaux sur. And among the things you find there is that there is need to open the scroll of God. Et il y a un besoin d'ouvrir ce rouleau. And when nobody is found who is worthy enough to break the seals and open the scroll, a crisis develops in heaven. Il y a une crise tout d'un coup parce que personne n'est trouvé comme étant capable et digne de pouvoir briser les sceaux et ouvrir le rouleau. It's a very complicated message, but the Lord has allowed me to make it very simple to the church. I do this all over the world. C'est un message compliqué, mais j'essaie de faire très simple pour l'Église partout dans le monde. Listen. I have seen the scroll of God, but don't worry about that. Just focus on this now. J'ai vu le rouleau. Now, the 7 seals of the scroll of God. Les 7 sceaux sur le rouleau. For you to open the scroll, you have to break a seal. You have to break the seals. Pour ouvrir le rouleau de parchemin, il faut casser les sceaux. And so, when a crisis, a distress developed in heaven, as to who can break the seals, who is worthy to open the scroll of God? Il y a comme une crise qui est capable, qui est digne d'ouvrir ce rouleau. Now, listen what happened. Qu'est-ce qui se passe? They said, don't weep. Ne pleurez pas. Because the lion of the tribe of Judah. Parce que le lion de la tribu de Juda. The root of David. Le rejeton de David. He has already triumphed, they said. Il a déjà triomphé. And only he is worthy to break the seals and open the scroll of God. Et lui seul est digne d'ouvrir le rouleau de Dieu. And I know you understand when God says worthy, holy, worthy. When God says good, it's holy. For example, he says, whoever finds a wife finds a good thing and receives favor from God. Which means whoever finds a wife finds a holy thing. Et you see that? En relation ce qui est bon avec ce qui est saint, celui qui trouve une worthy, also holy. Tout ce qui est digne est aussi saint, doit être saint. And so, when they say he's worthy to break the seal, which means he has triumphed, and he is holy enough to break the seal. Et donc parce qu'il a triomphé, il est digne de casser les sceaux et d'ouvrir le chemin. But what amazes me? Et ce qui me. In there, you see that they looked above the heavens. On regarde au-dessus du ciel. They looked in heaven. Ils ont regardé dans le ciel. They looked under the heavens. Ils ont regardé sous le ciel. Above the earth. Sur la terre. On the earth. Sous la terre, in the seas, dans les mers, under the sea, sous la mer. And they found nobody worthy. Personne ne pouvait digne. Nobody was worthy to break the seal and open the scroll. Personne ne pouvait briser. And then they say, et ils ont dit, that hey, because he has triumphed, he is now worthy to break the seal of the scroll and open the scroll of God. Ils ont dit, mais lui qui a triomphé, lui seul est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le rouleau. So you can quickly see why. You can quickly see what is inside the scroll, based on the merit of the work of the cross. Now he is worthy to break it. He tells you that what is in the scroll really has to do with the redemption of the church. C'est là qu'on voit de ce qu'il y a redemption of man. Ce qu'il y a dans les deliverance of man. Deliverance of humanity. The entry of the church. On voit vraiment de ce qu'il y a dans ces rouleaux. Parce que pour être digne de les ouvrir, ça parle de la rédemption de l'homme. Ça parle the deliverance of man, de la délivrance. The entry of man, et l'entrée de l'homme, de l'humanité au royaume. Hallelujah. So this is very important you understand this. C'est important que vous compreniez ça. And so, then we move now to chapter 6 of Revelation. Et lorsqu'on passe au chapitre 6, that is our scripture for today. C'est notre écriture pour ce jour. So in chapter 6, now he discusses the seals of the scroll of God. Chapitre 6, il parle des sceaux du rouleau. And before we go to chapter 6, which we're going to read briefly, et avant d'aller au chapitre 6, qu'on va lire rapidement, he says this. Il dit, listen to me, precious people. Écoutez-moi, there are seven seals. Il y a sept sceaux to the scroll of God. Sur le rouleau de Dieu. And you'll find out. Et vous trouverez that each of the seals, que chacun des sceaux, actually punctuates, denotes, ponctue. It punctuates a given timeline, a given moment, a given dispensation along the prophetic timeline of God. Chaque sceau dénote un temps particulier dans le temps prophétique qui se déroule. And you'll find that the first four seals, et les quatre premiers sceaux, are the most critical to the church. Sont les plus importants pour l'église. You find that when the first four seals are broken, each one of them, when each one is broken, an apocalyptic horseman is released. Vous voyez que chacun des quatre premiers sceaux libère un cheval différent. And then you'll find why he's saying, oh, don't worry, don't be alarmed. All these things must happen, but the end is yet to come. Et il est dit, ne vous en faites pas, tout doit se dérouler, mais là, all these things must happen. Toutes ces choses doivent se dérouler, la fin n'est pas encore là. But the end is yet to come. La fin arrive. Because the end is when the seventh seal is broken. Parce que la fin, c'est que lorsque le septième sceau est rompu. So as I begin to walk on this, you're soon going to see how close the church is to the Messiah. Et en avançant, donc, on va voir la proximité de l'Église du retour du Messie. So when John received this revelation, he put it in the book of Revelation chapter 6. Et lorsque Jean l'écrit dans l'Apocalypse au chapitre 6. And that's where we're going to begin the journey now. C'est là qu'on va commencer. Turn with me to Revelation chapter 6. Let us see what John saw. Regardons ce que Jean a vu au chapitre 6. Read with me, record it, do what you want. It says Revelation chapter 6 verse 1. I watched as the Lamb opened the first of the seven seals. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Then I heard one of the four living creatures say in a voice like thunder. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Come. Viens. I looked and there before me was a white horse. Je regardais, voici paru un cheval blanc. Its rider held a bow and he was given a crown and he rode out as a conqueror bent on conquest. Celui qui montait à un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Let's end there first. Step by step, you know. Pas à pas. So listen, precious people. Écoutez-moi. He says, when the Lamb of God broke the first seal, pow, broke it. Quand l'agneau de Dieu cassa le premier sceau, then he heard the first living creature say, come. Alors il entend le premier être vivant dire, viens. And then he released a white horse. Et il relâche un cheval blanc. And he says the rider of that white horse has a crown. Et il est dit que le cavalier a une couronne. And on top of that, he has a bow. He holds a bow. Il a un arc. But most important, look at what he does. Regardez ce qu'il fait. He comes out. Il sort. Riding the horse. Chevauchant. Like this, look. As a conqueror bent on conquest. Comme il part en vainqueur pour vaincre, pour conquérir. Which means. Ce qui veut dire. That he is not ready to take anything else except victory. Il ne prend rien d'autre que la victoire. You understand what he means by that? Conquer, bent on conquest. Ça marche comme un conquérant pour conquérir. Which means he will take nothing except victory. Il ne prendra que la victoire. And then he comes out. So let me ask you one thing. Who is this horseman? Qui est ce cavalier? Who is it? Qui est ce cavalier? You remember the vision of the wedding rings? Vous vous souvenez de la vision des anneaux de mariage? After the rings, the voice of the Lord said, "Look and see who is seated on the white horse." Après la vision des deux anneaux, le Seigneur a dit, regarde qui est assis sur le cheval blanc. Let us read about that white horse. Lisons sur ce cheval blanc. Revelation chapter 19. Verset 19 d'Apocalypse. Verse 11. Au verset 11. I am reading Revelation 19, verse 11. Apocalypse 19, 11. It was a very complex message, but the Lord has made it very simple. Every country I go to, they get it very well. J'ai essayé de rendre ce message très simple dans tous les pays où je suis allé. Il est complexe ce message. So listen to what he says, Revelation 19, 11. He said, I saw heaven standing open, and before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait, s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. With justice, he judges and makes war. Il combat avec justice et juge. His eyes are like blazing fire and on his head are many crowns. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. He has a name written on him that no one knows but only he himself. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. He is dressed in a robe dipped in blood and his name is the word of God. Il était revêtu d'un vêtement plein de sang, son nom et la parole. So you know who I'm talking about here. You see that? And then, and then he continues on to say, the armies of heaven are following him, riding on white horses dressed in fine linen, white and clean. I'm sure you are familiar with that. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin linne blanc et pur. Je crois que vous... Remember, Revelation 19, we read verse 6 to verse 9, discussing the wedding rings, discussing the wedding of the Lamb, discussing the rapture of the church. Vous vous souvenez dans le verset 6 à 9, dans le même chapitre, on parlait de l'enlèvement d'église et du mariage, des noces de l'agneau. And the preparation, as I say, fine linen, bright and clean. Et de toute la préparation du mariage, notamment les robes de fin lin. But now you meet it in verse 14 also. Et maintenant, on les retrouve dans le verset 14. Post rapture. Après l'enlèvement d'église. In fact, they are on their way to Jerusalem, if I understand you. Et même là, ils partent vers Jérusalem, si je comprends. And he says that the armies of heaven are following him, dressed in fine linen, white and clean. Same. Which means if you prepare now, it is for eternity. Et on voit que les armées du ciel, vêtues de fin lin, le suivent. Et on voit là que finalement, lorsqu'on se prépare aujourd'hui, c'est pour l'éternité. Verse 15. Out of his mouth comes a sharp sword with which he strikes down the nations. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. He will rule them with an iron scepter and he treats the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. On his robe and on his thigh he has the name written King of Kings and Lord of Lords. Un nom écrit Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Hallelujah, listen to me, let me summarize this precious people. Je vais vous résumer ça. This is so critical to the church. C'est très important pour l'église. Why? Pourquoi? Because. Parce que. Who is this horseman that when the lamb breaks the first seal, he is released? Qui est ce premier, ce cheval qui est lâché par le premier saut? He is on a white horse. Il est sur un cheval blanc. The Messiah comes on a white horse. Mais le Messie aussi vient sur un cheval blanc. He has a crown. Il a une couronne. The Messiah has many crowns. Et le Messie a plusieurs couronnes. He comes to conquer. The Messiah comes to conquer. Il vient conquérir et le Messie aussi vient conquérir. But who is this horseman? You have gotten it. You said it well. Mais qui est donc ce chevalier blanc? But listen to this. You find vous trouvez that he is trying qu'il essaye to look like de ressembler look like, de ressembler look like de ressembler, look like the Messiah. Ressembler au Messie. And the problem why the church has landed in trouble. Et c'est le problème, c'est l'Église a eu des problèmes, a des problèmes. And fallen. Il est tombé. Apostasy. En apostasie. Is because they thought he was the Messiah. Parce qu'ils l'ont pris pour le Messie. Let me explain why. expliquer. Jesus sat here. Jésus s'est assis sur le mont des Oliviers. The disciples came to him privately, les disciples not in public, privately by the rock. Les disciples sont venus le voir de manière privée, très privée. And then he did like this, look. Et là, il a dit. Make sure nobody deceives. Attention que personne ne vous séduise et ne vous trompe. Be careful, make sure nobody. Attention à la séduction, à la tromperie. And he said that that would be the first sign, one of the signs before he comes. Ça sera l'un des premiers signes avant que je revienne. Deception. La tromperie. Come to whom? La tromperie, la séduction qui vient auprès de qui? If I look at the disciples here, si je regarde les disciples qui sont là, at the foot of Christ, au pied de Jésus, I see the church. That was. C'est l'église que je vois. That represented the church. C'est l'église. Quand je regarde intensément, I see the apostles. Je vois les apôtres. When I look again carefully, quand je regarde encore, I see the pastors. Je vois les pasteurs. The evangelists. Les évangélistes. The church. The body. Tout le corps de Christ. This was the body of Christ. C'était le corps de Christ qui était là. So the Lord was implying that deception would come into the body of Christ. Donc le Seigneur voulait dire que la déception et la tromperie viendraient dans le corps de l'Église. The church has not understood that this horseman, he is not Christ. L'Église n'a pas compris que ce premier cavalier n'est pas Christ. In fact, when Christ breaks the seal, this horseman is released. Et en fait, c'est lorsque Christ brise le sceau que le cavalier blanc est relâché. What does he bring to the church? Qu'est-ce qu'il amène à l'Église, ce cheval? The deception, you said right. But listen how it happens. Et écoutez comment ça se passe. He brings false Christianity to the church. Il amène une fausse chrétienté dans l'église. How does he do that? Comment le fait-il? By bringing the world and mixing the world and being modern and what and whatever they call it. En amenant le monde dans l'église, l'esprit du monde dans l'église, en voulant être moderne, etc. Why is that deadly? Pourquoi c'est dangereux et mortel? Because the Bible says, for without holiness, nobody will see the Lord. Parce que la Bible dit que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. And that's why today, wherever the Lord sent me globally. Et maintenant, c'est ce que je dis. All over, partout. You find that the church, she's not even preparing, so it breaks my heart. Aujourd'hui, l'Église n'est même pas préparée, ça me brise le cœur. And holiness is not even adhered to, it's not upheld in the church. Il n'y a pas de sainteté dans l'Église. And you hear all these stories. You hear reportages in many countries, even watching the secular media. Donc on voit vraiment toutes ces histoires, ces tristes histoires qui se passent même dans les médias. It says, be careful, attention. Nobody comes and deceives you. Attention que personne ne vienne vous séduire. Precious people, très cher. Once a form of Christianity comes, does not behold righteousness. Lorsqu'il y a une forme de chrétienté qui vient et qui ne défend pas la justice, la sainteté, then the church is finished. Alors c'est la fin de l'Église. Why? Pourquoi? Because only righteousness brings the church in right standing with God. Parce que seule la justice nous permet d'être en relation avec Dieu. Only holiness brings the promised favor. And the anointing in the church and authority to go and win souls. Seule la sainteté nous donne l'onction qui vient d'en haut et l'autorité de gagner des âmes. When the Lamb opened the second seal, Revelation chapter 6. Lorsque l'agneau a ouvert le deuxième sceau. When the Lamb opened the second seal, il ouvrit le deuxième sceau. I heard the second living creature say, "Come." J'ai entendu le deuxième être vivant dire, "Viens, viens." Then another horse came out. Et un autre cheval est sorti. A fiery red one. Un cheval rouge. Its rider was given power to take peace from the earth. Et au cavalier lui était donné le pouvoir d'enlever la paix de la terre. And to make men slay each other. Et de faire que les hommes s'entretuent. To him was given a light espada, light sword. Il lui fut donné une grande épée. You see, I told you. Je vous avais dit. The bloodshed. The second thing he said, le bain de sang. War coming, bloodshed. And I said, it will be a red horse. C'est le cheval rouge de la guerre. You see now the translation, how John was receiving this? Vous voyez donc comment Jean explique tout cela? Directly correlated. C'est directement corrélé. But one second, go back to the white horse. Retournons un moment au just cheval one blanc. Second. The white horse. Le cheval blanc. The Lord said, look at this. Le cheval. The Lord said, you see these buildings. Le Seigneur dit, regardez ce building, they must be brought down. Il doit être mis à terre, no stone will be left on another. Aucune pierre ne sera l'une sur l'autre. The rider of the white horse is the most deadly to the church. Le cheval blanc c'est le plus dangereux et mortel pour l'Église. Why? Pourquoi? Because it brings deception. Parce qu'il amène la tromperie. And once the church has been deceived. Une fois que l'Église a été séduite. In fact, once the priesthood is deceived. Une fois que les responsables et les anciens sont été trompés. Then the body, the nation, the earth has been deceived. Alors tout le corps, toutes les nations sont détruites. Because indeed the church has the rod of God. Parce que l'Église a le bâton de Dieu. No stone will be left on another. Aucune pierre ne sera l'une sur l'autre. And today when I see, et aujourd'hui, lorsque je vois, I see that he really conquered, je vois qu'il a vraiment conquis. To the extent, jusqu'à that at times we don't even care how we dress as Christians. De voir même que des fois, on ne se préoccupe même pas de savoir comment on doit s'habiller en tant que chrétien. We just take Christianity like this, as if it does not matter anymore. Lorsqu'on fout le pied à la chrétienté, comme si ça ne comptait pas. Even at workplace, at times we don't dress like Christians, we don't talk like Christians. They can't see salvation in us. Si lorsque au travail ou ailleurs, on ne se comporte pas comme des chrétiens. He really brought down every stone. Ah, il a vraiment mis à terre toutes les pierres du temple. Because, parce que, look at Jehovah whom we worship. Regardez Jehovah que nous adorons. He demands reverence. Il demande de la révérence. Look at the wise virgins that he says the wise church that enters. Considérez les cinq vierges sages qui entrent dans le royaume. Behold, it is the fear of the Lord that is wisdom. Attention, c'est la crainte de l'Éternel qui est commencement de la sagesse. It is the fear of the Lord that denotes wisdom in the Bible. C'est la crainte de l'Éternel qui crée la sagesse dans la Bible. And you get everything happening in the body of Christ. Et vous voyez plein de choses se passer dans le corps de Christ aujourd'hui. That's why the Lord sent me to the church. C'est pour ça que le Seigneur m'envoie vers l'Église. Prepare the church, please. Let us now move to a higher plane. Let us prepare the garment of righteousness. On dit à l'Église de se préparer, de revêtir son habit de justice. Because only righteousness is the light. When the Lord says the light of the world, the dark world. Only righteousness, when we walk with it, can it shine in this dark world? Parce que dans ce monde de ténèbres, c'est notre lumière, c'est notre justice, notre even sainteté. Even at workplace, même au travail. When the others are doing their thing, when they're telling you, you know, just balance the books, don't worry, just do something to make sure they balance whatever, whatever it is they say, yeah? And then you refuse, so you maintain your integrity, so it will be known, hey, for her, she is born again. Vous devez garder votre intégrité même si le monde essaie de vous corrompre et vous faire entrer dans la corruption. It doesn't matter. It may be pressure, sexual pressure, whatever pressure that you are put on here and there to be able to compromise and be promoted or whatever. I don't know what it is. But the bottom line that if you as a Christian will stand and uphold righteousness, you will raise the name that you wear, the name above all names. The name of Jesus. They will say, hey, she is born again. And you hear, if you are looking for somebody with integrity, she is the one. Comment voir la différence en tant que chrétien, vous devez faire la différence dans le monde. Quelles que soient les compromissions, quelles que soient ce qu'on essaie de vous faire faire, vous devez tenir ferme sur la parole en sainteté, hein, afin que le monde voit qui vous êtes. Amen. But how can the church be lying on the phone? Our children lie, our children dress like the world, our children, they talk like the world, they watch the movies of the world, they, everything. The church is going to watch Hollywood. Pourquoi est-ce que nous laissons nos enfants vivre comme les enfants du monde? We are drinking wine, getting drunk, and we are not stopping drinking. Pourquoi nous enivrons-nous d'alcool fort comme le monde le fait, ou de drogue? He really brought down every stone. Il est venu conquérir, il a conquis. But the church did not ask him, hey, mais l'Église ne lui a pas dit, if you say you are the Christ, why are you carrying a bow and arrows? Si tu viens et que tu dis que tu es le Christ, pourquoi tu as un arc avec toi? Where is your sword? Où est ton épée? If you say you are the Christ, si tu dis que tu es le Christ, where are your many crowns? Où sont tes nombreuses couronnes? False Christianity. False chrétienté. Because during the time of Jeremiah, the Lord saw that the house had deception. The Bible says and he raised Nebuchadnezzar, his servant, to attack the house. Au temps de Jérémie, Dieu a vu toute la tromperie qu'il y avait dans la prêtrise, la fausse technique. C'est pour ça qu'il a envoyé l'ennemi Nebuchadnezzar juger. Yes, and he called Nebuchadnezzar his servant. I was shocked. Et Jérémie a dit au peuple, il a compris que Nebuchadnezzar était une sanction venant de l'Éternel. And indeed, the children of Israel were gathered at Ramah. Et les enfants, they were chained. There was a long chain. There used to be a long chain. So they were chained on the long chain at Ramah. Et les enfants d'Israël ont été déportés à Ramah. And they were going to leave the land, and there would be no worship. Desolation. Rachel wailing for her children, sons. No more to raise the tent for the Lord. Ça a été la désolation à Jérusalem. And listen, when Nebuchadnezzar, the commander of Babylon, Nebuchadnezzar, lorsque le commandeur de Babylone, when he came to check the people that had been chained, you know, when you get slaves, you have to check who is strong, you have to beat to find out who can manage the journey. Lorsqu'il est venu, the quality of the slaves you have. Lorsqu'il est venu ausculter les futurs esclaves. Some of them might die on the road. Alors certains mourraient sur la route. So you have to check, you have to beat the hand, and then give a report, I have 100 strong or 200 strong. Il rapporte au roi babylonien, oui, j'ai au moins des cent d'esclaves. So when Nebuchadnezzar was walking to check on the slaves, et lorsque ce babylonien venait vérifier l'état des esclaves, he met Jeremiah here. Il rencontre Jérémie. And he said, hey Jeremiah. Il dit, hey Jeremiah. Are you not the one who was warning these people? Tu n'es pas celui qui voulait avertir ton peuple. And then he looked at the people and said, are you the ones who refused to listen to the word of God? Et il s'est tourné vers le peuple et a dit, c'est vous le peuple qui avez refusé d'écouter ce que disait le prophète? And he released Jeremiah and he took them. Et il a relâché Jérémie le prophète et il les a pris. At times, God will raise Nebuchadnezzar and will bring him to destroy the temple on Mount Moriah. Il y a des moments où Dieu suscite un Nabucodonosor pour venir détruire le temple sur le mont. Then he says, when the lamb breaks the second seal, then you hear the words of Jesus again. Et lorsque l'agneau brise le deuxième seau, vous entendez les mots de Jésus encore. When he said, you will hear of wars and rumors of wars. Il dit, vous entendrez les guerres et les rumeurs de guerre. Listen, precious people. In the book of Luke chapter 9, he says, you will hear of revolutions. Dans le livre de Luc, vous entendrez, il parle de révolution. We are aware of the war in Mexico. On entend cette guerre qui est au Mexique. We are aware of the war in Somalia. Cette guerre en Somalie. We are aware of the war in Afghanistan. Cette guerre en Afghanistan. We are aware of the war in the Congo. Au Congo. We are aware of the war in Pakistan, Waziristan. Au Pakistan, Waziristan. We are aware of the war, everywhere war, and then the war on terrorism. C'est des guerres partout, la guerre du terrorisme. The rumors of war. Every country is preparing. If you go to the airport, they must be searched as if they are preparing for terrorism is going to happen. Every time they have to search you, it's very high alert. Every time there's a high alert red. They say code red, code what? Il y a des alertes, des rumeurs de terrorisme, des alertes anti-terroristes partout en ce moment. War and rumors of war is saying it. Des guerres, des rumeurs. And so when the lamb broke the second seal, the red horse and the rider came to take away peace. C'est parce que lorsque le deuxième seau est brisé et que le cheval rouge part, il part pour enlever la paix. And he was given a large sword. Et on lui a donné une grande épée. Hallelujah. But listen to this now. When the lamb opened the third seal, que l'agneau ouvrit le troisième seau. That's why in the prophecy of the global economic meltdown, I said Revelation chapter 6 verse 5. Apocalypse 6 verset 5, c'est quand j'ai prophétisé donc sur la crise financière globale. It said when the lamb opened the third seal, lorsque l'agneau ouvrit le troisième seau, I heard the third living creature say, j'entendis la troisième créature dire, I looked and there before me was a black horse. Bien, et il y eut un cheval noir. And his rider was holding a pair of scales in his hand. Et son cavalier avait une paire de balances dans la main. And then I heard what sounded like a voice from among the four living creatures saying. Et j'entendis parmi les quatre êtres vivants une voix disant. A quart of wheat for a day's wages. Un quart de blé pour un salaire journalier. And three quarts of barley for a day's wages. Et trois mesures d'orge pour un jour de travail. And do not damage the oil and the wine. Mais ne touche pas ni au vin ni à l'huile. What is the message there? Quel est le message? Do you understand why the Lord keeps talking to me? He kept talking to me about go prophesy the global economic crisis. Go prophesy global famine. Famine coming. Go prophesy global economic crisis. You understand why? C'est pour ça que le Seigneur me dit d'aller prophétiser sur la crise financière et la famine. He sat here and he said there will be famines and earthquakes. Look in various places, not everywhere. Sur le mont des Oliviers, il disait, il y aura des famines et des guerres en divers endroits. Listen very carefully. This is big. C'est gros, c'est grand tout ça. Because he says, parce qu'il dit, the rider of the black horse is holding a pair of scale balance. Le cavalier noir tient une balance. Meaning, put for me here for 2 kilos, 2 kg, and then put for me sugar here and until it balances. Pour mesurer le poids des choses. I need to buy some beef. Je dois acheter du bœuf. So I need 2 kilograms of beef. Donc 2 kilos de bœuf. I pay you. You put 2 stones here. You put one. You keep cutting small pieces, adding. Not yet. You add small pieces until it balances. Vous arrivez au poids, à mesurer le poids. What does the Lord mean by that? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par ça? He means global economy, global trade, global buying, global commerce, global buying and selling. Il parle du commerce global, de la finance globale. You see that? You see how the Lord speaks? Vous voyez comment le Seigneur parle? But the global trade is in the hands of the rider of the black horse. Mais le commerce global est dans les mains du cavalier noir. Oubliez, ça correspond à un salaire d'une journée. In the Hebrew definition, 1 quart of wheat is just enough wheat for one person to eat for one day. Et au temps de Jésus, une mesure de blé servait à la nourriture d'une journée pour un travailleur. But you go to work to feed the whole family. Mais ce travailleur, il a une famille, il doit aussi la nourrir. Which means the Lord was saying that there will be food shortage. The salary that could buy for family can now buy for only one. Ça veut dire qu'en fait, le salaire d'une journée ne suffira qu'à une seule personne. Scarcity, shortage, inflation. Ça veut dire famine, manque, inflation des prix. Listen, that's why I came out and I said there is going to be famine also. C'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait une famine qui venait. But what did he mean to the church when he said, if you see the oil and the wine, don't touch it? Mais lorsqu'il dit du vin et de l'huile de ne pas les toucher. Do you remember the wise church? Matthew 25. Vous vous souvenez dans Matthieu 25? The wise virgins that enter the heaven. Les vierges sages qui rentrent dans le royaume. That is the bride of Christ. C'est l'épouse de Christ. He's saying, hey, I know you are going to do damage down there, but if you see the bride of Christ that is moving in the new oil and the strength of the new wine, don't touch her. Il est en train de dire que si tu vois l'église de Christ qui a la vraie huile et le vrai vin, tu ne les touches pas. The Lord is asking Switzerland to receive the Holy Spirit because only the church of the oil and the wine will enter. Donc le Seigneur dit que l'église doit garder son huile et son vin parce qu'elle ne sera pas touchée. The oil is the flow of the anointing of the Holy Spirit. L'huile, c'est le flot de l'onction de l'Esprit. And the wine is the strength of that anointing. Et le vin, c'est la force de cette onction. So which means the Lord is telling you that there will be places of revival, plenty, and places of scarcity, desolation. Ça veut dire qu'il y aura dans ce monde de famine et de désolation, il y aura des endroits de réveil. That's why I'm crying that as the Lord has sent me here, set my foot here, that a Holy Ghost revival like we see in Kenya can visit this country. C'est pour ça que je prie pour un réveil, un grand réveil comme nous le vivons actuellement au Kenya dans l'église mission. I know you love the manifestation of the revival, HIV healed. You love the cripples walk manifestation of the revival. Une manifestation qui accompagne un réveil, les guérisons du SIDA et autres. It's healed. Le SIDA guéri. But listen, the true revival is souls and their millions returning to Christ. Le vrai réveil, le vrai fruit du réveil, c'est des âmes qui se tournent vers Dieu en milliers et milliers. I cry for this country because I see what is in Kenya. I cry so much for every nation because I want them to see this latter anointing. Parce que quand je vois ce qui se passe, les telles choses qui se passent au Kenya, je pleure pour cette nation pour que ça vienne aussi. And it says, verse 7, when the Lamb opened the fourth seal, et quand il ouvrit le quatrième sceau, he says, I heard the voice of the fourth living creature say, "Come." Le quatrième être vivant dit, viens. I looked and there before me was a pale horse. Et devant moi, il y avait un cheval pâle. Its rider was named Death. Et son cavalier était appelé la mort. Hades was following him close by. Et l'enfer le suivait. And he was given power over a quarter of the earth to kill. Et il lui fut donné d'avoir un pouvoir sur le quart de la terre et de tuer. By the sword, by famine, by plague, and by the wild beasts of the earth. Par l'épée, par la faim, par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. I kept prophesying this pale horseman until he was released in Egypt. This angel of death. J'ai prophétisé sur ce cheval pâle jusqu'à ce qu'il soit manifesté en Égypte. Look up death Syria, death Libya, death regardez Yemen, death. Regardez la mort en Libye, regardez la mort But en Syrie. The message I want you precious people to take home is this. Et le message que je voudrais que vous emmeniez avec vous, c'est celui-là. When the Lamb opens the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God. Et lorsque le cinquième sceau fut ouvert, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu. Focus on me, precious people. Regardez-moi. And listen. He says, when the fourth seal is released, you see what's happening all over the world now. But when the fifth seal is broken. Donc, on a vu le quatrième sceau. Mais maintenant, lorsque le cinquième est brisé, when the fifth seal is broken, he says, he saw under the altar souls of many who had been killed, murdered for preaching the word. Il voit sous l'autel au ciel toutes les âmes de ceux qui ont été martyrisés pour leur foi. Ah! For coming to Switzerland here, Geneva, and preach the word, I will be murdered. Pour prêcher la parole, en venant en Suisse, je peux être assassiné. That tells you that something will happen between the fourth seal opened and the fifth seal to the church. Quelque chose va arriver à l'église entre le quatrième et le cinquième sceau. Because by you walking out there and saying, look, I am a Christian, that is testimony to the Lord. Parce que lorsque vous rendez votre témoignage en tant que chrétien dans le monde, c'est un témoignage à Dieu. By you meeting here and worshiping the Lord, that is testifying to Christ. Et lorsque vous vous réunissez ici pour adorer, c'est un témoignage au Christ. But he says that you will not be able to do that. If you try, you will be killed. Mais vous ne serez pas capable de le faire puisque si vous essayez, vous serez tué. In fact, the Bible in Revelation 20 says you will be beheaded. La Bible dit dans l'Apocalypse que vous serez décapité pour votre foi. Now, what does that tell you? Qu'est-ce que ça veut dire? That tells you that at that time the worshipper you see here will not be here. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les adorateurs que nous sommes ici ne seront plus là. Alléluia! Alléluia! The Lord will take away the church before the great tribulation. Le Seigneur va enlever son église avant la grande tribulation. Because otherwise you will not worship. You have to worship the devil, the image. Sinon vous ne pourriez pas l'adorer. And if you try, must be beheaded. Parce que ça serait la décapitation immédiate. And that means you people, you have to prepare quickly. The fourth seal I prophesied, and it was fulfilled. I fear the fifth seal will be broken. But guess what? There is an acceleration here. Ça veut dire qu'il y a une accélération entre le quatrième et le cinquième. But listen, precious people. Écoutez. Listen, he says that when you just go out and tell people, I am Christian, you know, I love the Lord, which is testimony to Christ, you must be killed. Ça veut dire que lorsque vous porterez votre témoignage dans le monde en tant que chrétien, vous serez tué. When you come here and start worshiping the way you beautifully worship here, you must be murdered. Lorsque vous viendrez adorer ici, on vous tuera. That means the rapture takes place before that seal is broken. Ça veut dire qu'avant ce cinquième sceau, logiquement, that's why I came. L'enlèvement de l'église doit se faire avant. I need you to release me, please. Et c'est pour ça que je suis venu pour vous dire. I want to go to China and tell them the same. Je pars en Chine. Taiwan is waiting. Taiwan. I need to go to Comoros. Je vais aux Comores. I have to go to Argentina, please, Russia, Ukraine. En Ukraine. That they may hear what you heard today. Qu'ils puissent entendre ce que je vous ai dit aujourd'hui. Prepare the gown of righteousness in a hurry. Préparez-vous vite. On the precious people, the earthquake, 4 hours, 4 hours it took place. Something tells you God is in a hurry. The radio put it up, it went global, it happened. 4 heures après ma vision du tremblement de terre, il y a eu lieu ce tremblement de terre aux États-Unis. Prepare the way. Préparez le chemin. The Messiah is coming. Le Messie arrive. Hasn't the mouth of the Lord spoken to this nation? Est-ce que la And he has spoken from this church. La bouche du Seigneur apparaît. I know there are many churches, but I don't know why here. Only the Lord will reveal one day. Parlé dans cette église, je ne sais pas pourquoi, mais. Haven't you been loved of the Lord? N'êtes-vous pas bien aimé du Seigneur? Listen to me. Écoutez-moi. Prepare the way. Préparez le chemin. I have seen the Messiah coming. J'ai vu le Messie qui arrive. I have seen the wedding ring for the Lamb of God. J'ai vu les anneaux du mariage. Those wedding rings are spiritual wedding rings. Ce sont des anneaux spirituels. So only a spiritual church will be able to wear them. Et seule une église spirituelle pourra les porter. The church of the oil and the wine. L'église du vin et de l'huile. Receive the Holy Spirit. Tu reçois le Saint-Esprit. You may be rejected in the UN wherever you work. They say, what's wrong with her? She's dressing too holy these days. Vous serez peut-être rejeté dans le monde, à l'ONU ou ailleurs. What is wrong with him? He's removing his earrings. He's not putting something anymore. Que se passe-t-il avec lui? Il change de comportement. Il est plus comme avant. What's wrong with him? He's not drinking with us wine every Friday. Il ne se saoule plus avec nous. But this is the time to walk the narrow road. C'est le moment de prendre le chemin. If you want to receive the Lord now, or you need to renew your faith, please lift up your hand. Very high. What's the Lord? I see a lot of people. Just repeat after me, Lord. Répète après moi. Say, dear Jesus. Cher Jésus. I have heard your word. J'ai entendu tes paroles. I have heard about your coming. J'ai entendu ton arrivée. Please help me. Aide-moi, s'il te plaît. And establish your word in my life. Établis ton œuvre dans les mains. And fill me with a new wine. Remplis-moi d'un nouveau vin. The new oil. L'huile nouvelle. The oil of this hour. L'huile de cette heure. That I may see the kingdom of God. Je puisse voir le royaume de Dieu. Today I repent. Aujourd'hui je me repens. And turn away from all sin. Et je me détourne du péché. Please forgive me. Pardonne-moi, s'il te plaît. And establish salvation. Et ta vie. And holiness. In my life. In the mighty name of Jesus. Today, I am born again. Je suis né de nouveau. Amen. Make sure you do all things to fulfill all righteousness. Faites toutes choses pour accomplir toute sainteté. Precious people. Cher. Prepare the way. Préparez le chemin. For the coming of the Messiah. Pour l'arrivée du Messie. Shalom. Shalom.